Section 8 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e. Section 8. L'adoré, par René Mézeroy. Juillet 1885. Dans le salon si vieillot, avec ses boiseries blanches, ses portes-fenêtres, ses bergères d'aubusson, aux teintes fanées, son épinette qui chevrotte comme une aïeule édentée, le parquet marqueté de rythmiques dessins et de trumeaux, où des bergers galants enrubanent leurs agneaux et balancent sur l'escarpolette une clouée dont s'envolent les jupes. La vaste pièce, empli de portraits de famille, de vases de Sèvres donnés par le roi, de glace au cadre des dorés, et où l'odeur musquée des roses, des chèvrefeuilles, de toutes les fleurs que Marthe cueille par bottelées dans le parc, le subtil parfum de femme blonde et d'œillet qui émane de sa robe et de sa peau, se mêle à cette fadeur rance que gardent les meubles et les rideaux des maisons presque toujours closes. Il y a un pastel de jeune femme qui ressemble à Marthe, jusque par le sourire, par le regard languide des prunelles, par les fossettes creusées au coin de la bouche. Ce fut une dame d'honneur de Marie Leszczynska, qui fut aimée à la folie, et qui aima je ne sais plus quel beau colonel du régiment d'Aunis. Elle a les cheveux poudrés et relevés, au-dessus du front, des yeux profonds et doux, qui attirent comme un charme magnétique et un coqueluchon de ruban bleu qui fait ressortir la matité liliale de sa chair, les rondeurs d'une gorge de gamine. Et je passe des heures à la regarder. J'ai la sensation hallucinante que ses yeux se fixent sur mes yeux, que sa bouche me sourit, qu'elle s'anime, qu'elle me reconnaît et qu'elle m'aime. Elle devait avoir la voix câline de Marthe et ses gestes et ses caprices. Comme on se leurre d'idées folles, comme on s'attache aux moindres choses lorsqu'on aime. Lorsque nous retournerons à Paris, cet hiver ou au printemps, tard, bien tard, le plus tard possible, pourquoi faut-il songer que ce bonheur absolu aura une fin, que cette halte reposante ne se prolongera pas au-delà de deux saisons? J'emporterai ce pastel rose et blanc comme une fleur. Je lui demanderai des illusions, des croyances, de la paix, du bonheur, si jamais se rouvre la blessure aujourd'hui cicatrisée et presque oubliée. Et je ne serai plus si seul, si malheureux, si inquiet, si désœuvré quand Marthe s'éloigne, fait ses visites, s'en va pendant d'interminables heures. Il me dira d'aimer et de ne pas douter de la femme que j'adore. Il me réconfortera de son sourire indulgent et tendre, comme ces saintes images devant lesquelles les dévotes se confessent et murmurent leurs oraisons ferventes en les plus dures épreuves de la vie. Fin de la section 8, enregistrée par Margot.